Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi ce 18 janvier 2017 et vous vous préparez à écouter sur les 106 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campuslille.com et même DAB+, Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Et donc Attaque A de TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui, Didier, Morgane, Ludovic, Christian et moi, Florent, à la réalisation. Christian, donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Oui, merci Florent pour cette introduction. Donc, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Du Mercado del Sur, ou du Mercado del Sul, en portugais ou en espagnol, je le fais dans les deux langues, plus connu sous le nom de Mercosur. Traité de libre-échange qui, comme ses prédécesseurs TAFTA et CETA, font l'objet de critiques vives de la part des organisations progressistes, parmi lesquelles ATTAC, on s'en doute bien, et bien d'autres qui refusent de voir, dans l'application des principes des avantages comparatifs, le nec plus ultra des règles du commerce avantageux pour que tout le monde y gagne. Foutaise. Le Mercosur est un traité global qui met dans l'échange produits industriels, voitures, produits pharmaceutiques, etc. et la production agricole. Et c'est surtout là que le bât blesse. N'est-ce pas, Antoine ? Merci, Antoine, Jean de la Confédération Paysanne, de venir pour la deuxième fois en moins d'une année plaider la cause du monde agricole. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et aujourd'hui, l'heure est grave. C'est aussi les élections. Tu nous en dis un mot, je suppose. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Oui, on est en pleine campagne électorale, des élections professionnelles, Chambre d'agriculture. Donc deux choses importantes par rapport à ces élections. D'abord, nous mesurer par rapport aux autres syndicats. Et donc, on espère capitaliser tout le travail que la Confédération fait depuis des années pour défendre pas le monde agricole, mais les paysans, les paysannes et l'intérêt qu'on a à défendre le métier de paysan et aussi le lien qu'on a avec la société civile. Et puis, deuxième chose importante, c'est aussi pouvoir prendre des chambres d'agriculture. Alors, on n'a pas cette... on pense pas que nous, dans la région, on pourra prétendre prendre la chambre d'agriculture régionale. Mais en tout cas, on veut augmenter notre score. D'accord. Il s'agit de voter pour des délégués, c'est ça, dans les chambres d'agriculture. C'est ça, des délégués, et puis en même temps se mesurer par rapport au ministère de l'Agriculture qui regarde le poids, et que c'est très important pour avoir un taux d'écoute important. Au plus on aura de force, au plus on pourra être reconnu et défendre le monde paysan. Alors, pour les auditeurs, les élections ont lieu de camp à camp, donc ? Donc on est en pleine campagne et en fait on a reçu le matériel de vote ici le 15 janvier et on peut voter de manière électronique ou par voie postale jusqu'au 31 janvier. D'accord. Et la mobilisation, tout va bien chez vous ? On a fait quelques mobilisations, on a fait quelques actions, notamment cette semaine sur l'île pour dire qu'il y avait mardi, pour dire qu'il y avait des paysans qui étaient sur la paille quand même. Oui. Et nous, ce qu'on défend, bien, vous le savez, à la Confédération paysanne, c'est plutôt le modèle d'agriculture paysanne, l'agriculture familiale. Mmh. Les petites exploitations, on n'aime pas le terme, mais surtout les petites fermes, les oublier souvent des politiques publiques, et notamment à travers la politique agricole commune. Quoi. Oui. Et l'objectif en termes de chambre d'agriculture, c'est combien à peu près ? On espère rattraper quelques chambres d'agriculture. Alors le chiffre au niveau national, c'est 10 à 15 chambres d'agriculture. Alors pour l'anecdote, ce n'est pas vraiment une anecdote, c'est que la seule chambre à laquelle la Confédération paysanne gère, c'est la chambre d'agriculture de Mayotte. D'accord. Et donc une pensée particulière avec ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Mais c'est quand même intéressant parce que moi, j'ai pas mal discuté avec les élus. En fait, ils ont travaillé énormément depuis des décennies sur l'autosuffisance alimentaire sur l'île. Quoi. Ça paraît tellement évident pour une île qui reçoit 80% de sa nourriture de l'extérieur. On comprend effectivement votre position, c'est le moins qu'on puisse dire. Un mot quand même sur cette manifestation auquel on était tous les deux, Didier, mardi. C'était vraiment très très chouette ce que vous avez fait. Donc j'explique aux auditeurs, aux auditrices, c'était, on a mis de la taille par terre et les gens se sont allongés et chacun avec une revendication, ou enfin une revendication, un des éléments qui fait qu'ils en crèvent, notamment la première, c'était, j'ai oublié son nom, peut-être Ludovine, non ? Ludivine, un nom comme ça, qui montrait que la banque lui a refusé un prêt et donc elle ferme sa boutique. Voilà, c'est la situation que. Avec aussi le suicide des agriculteurs aussi, qui est quand même un phénomène. Ouais. Voilà, donc on voulait en dire un mot. Je crois que c'était très important que vous soyez là et que nous soyons là, nous, à TAC, pour vous soutenir mardi. Voilà, on va passer peut-être donc au thème du jour. Et Didier va nous faire un bref historique parce que Mercosur, ça date pas depuis hier. Non, ça date pas. Il faut quand même se replonger un peu dans les accords de libre-échange. Donc, sans revenir aux accords dits de Bretton Woods en 1944, qui ont un peu construit l'architecture financière internationale. Donc, c'est de là que vient le FMI, la Banque mondiale, et ce qu'on appelait le GATT, donc les accords douaniers, les accords tarifaires douaniers. Donc après la chute du mur en 89, on s'est dit que bon, il y avait peut-être de l'argent à se faire au niveau des transactions de marchandises. Donc c'est là qu'on a créé l'Organisation mondiale du commerce en 1994 à Marrakech. Donc il y a eu des rounds multiples de l'OMC, donc notamment en Uruguay, à Punta del Este, mais aussi à Singapour, jusqu'à le fameux round de 99 à Seattle, où ça a été l'irruption du mouvement altermondialiste. Et bon, la conférence n'a pas pu se tenir. Donc ça a été un premier échec de l'OMC. Mais en attendant, côté Amérique, ça avait quand même fonctionné, puisque le Mercosur, qui était à l'origine un accord politique, commence en 91 et il est vraiment mis en place au niveau économique en 95. Et il y avait eu aussi l'ALENA entre Canada, États-Unis et Mexique, qui avait justement donné lieu à l'insurrection des Indiens du Chiapas. Donc tout ça, ça s'inscrit dans l'histoire de l'altermondialisme, dans l'histoire d'attaque et tous ces mouvements qui ont participé de ce soulèvement. Donc après, on a eu 2001, ça a été Doha, le Qatar, puisque l'OMC avait décidé de faire ça dans un endroit où il serait pas trop perturbé. Manque de peau, là, c'est les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud qui ont fait capoter tout accord sur l'agriculture. Et donc l'OMC est restée discrète et on est arrivé à des accords bilatéraux, des accords multilatéraux, donc entre continents, entre deux pays à continent. On a eu notamment un accord intra-européen avec la GCS, l'accord général du commerce des services, donc qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup fait agir attaque. Mais on a eu aussi le CETA entre les États-Unis et l'Europe. On a eu le Canada. On a eu le TAFTA, évidemment. Le TAFTA qui est... Les négociations sont achevées, hein, enfin, qui n'a pas été ratifié donc en 2016 avec l'arrivée de Trump. Pour le CETA, on a disjoint l'accord entre accord commercial et accord politique. On y reviendra dans le cours de l'émission. Mais en tout cas, le CETA s'applique, même si l'accord politique n'a pas été encore voté. Et pour le Mercosur, le Mercosur a rebondi ces dernières années avec des négociations qui ont été entamées par la Commission européenne avec l'Amérique du Sud. Et voilà, on va revenir sur le contenu de cet accord et sur ses conséquences. Mais je crois qu'il fallait retracer un peu ce traité dans tout ce qui s'est fait au niveau mondial depuis au moins la libération. Oui, donc avec effectivement, je pense, cette précaution de langage, enfin pas de langage d'ailleurs, mais cette précaution avant de commencer, c'est qu'il faut savoir que la négociation l'Union européenne avec les pays du Mercosur, c'est une négociation qui est faite par la Commission européenne, mmh. et donc par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Avec cette condition, c'est qu'elle doit recevoir un mandat de chaque pays. On y reviendra tout à l'heure sur la position de Macron, avec cette histoire de mandat qui n'a pas été retiré donc aux négociateurs français. Donc, très vite, le PIB cumulé des cinq pays, c'est 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du budget français, pour les trois pays qui sont 280 millions d'habitants, et des écarts de richesse de 1 à 6 entre le pays le plus riche, l'Uruguay, et le moins riche, qui est la Bolivie. Donc maintenant, on sait aussi que, on te laisse la parole maintenant Antoine, on sait aussi que le vendredi 6 décembre, Ursula von der Leyen signe l'accord de principe commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, et il n'y a pas que l'agriculture, effectivement, mais on va surtout parler de l'agriculture. Alors, il y a des voitures, il y a des produits pharmaceutiques, etc. Excusez-moi. Voilà, donc les produits agricoles, alors de quoi s'agit-il, Antoine ? Donc tu as bien fait de rappeler que c'est sous mandat des différents pays que la Commission peut négocier. Alors dans cet accord, on ne sait pas ce qu'il y a exactement. On sait qu'il y a beaucoup de produits agricoles, notamment du soja qu'on importe massivement, hein, je vais dire, en Europe depuis tout le temps, hein, puisqu'on n'en produit pas assez ici en France. Tout à l'heure, tu as parlé des accords de Bretton Woods, où on a, dans ces accords, donné la possibilité en France d'exporter ses céréales, à condition de laisser rentrer massivement du soja du Brésil, d'Argentine, etc. Bon, à l'époque, c'était pas du soja OGM. Aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Hein. Donc, par exemple, dans l'accord, on ne dénonce pas le fait qu'on laisse rentrer massivement du soja OGM, alors que en Europe, c'est complètement interdit de cultiver des OGM, et notamment du soja. Donc voilà des accords, notamment dans la viande, qui c'est pour ça que les paysans ont aussi beaucoup bougé, c'est qu'on va avoir des contingentements de viande. On parle de plusieurs centaines de milliers de tonnes de viande. Alors que la plupart des paysans ici en Europe ne vivent pas correctement de la vente de leurs produits. Alors on sait que ça va rentrer massivement à des prix très bas, parce que c'est ça aussi le problème de pourquoi on s'élève contre ces accords, c'est que c'est toujours sur le moins-disant. Moins-disant social, moins-disant fiscal, le droit du travail n'est pas le même, enfin, etc. Enfin, comparativement, on ne peut pas comparer ce que nous, on fait encore ici en Europe. La façon de travailler, c'est encore des... Même s'il y a des grosses exploitations, on reste quand même sur des fermes à taille humaine. Et de l'autre côté, on a des fermes où il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'animaux qui sont élevés intensivement. On n'a pas non plus les mêmes normes. Nous, on a quand même des normes. Des normes sanitaires. Et là, on s'élève complètement, quand on voit les manifestations conduites par la FNSEA, la Coordination Rurale, qui nous disent, nous, on ne veut plus de normes. Non, nous, au contraire, on dit que les normes nous protègent aussi, et protègent notre marché. Mmh. Et en tout cas, aussi, on nous parle de clauses miroirs, c'est-à-dire qu'on pourrait importer de manière égale, c'est-à-dire dans les mêmes façons de produire là-bas qu'ici. Et on sait que c'est complètement bidon, parce que comment aller contrôler là-bas ? Enfin, on a eu, dans les accords qu'on avait notamment avec les États-Unis, quand on laissait rentrer de la viande, faire contrôler là-bas dans les abattoirs par les vétérinaires, etc., c'est complètement impossible. Oui, alors effectivement, j'ai quelques chiffres, hein, que tu disais là, quasi 100 000 tonnes de bœuf, mais il y a déjà... C'est déjà massivement importé en plus, donc. C'est 180 000 tonnes de viande de volaille, l'équivalent de 3,4 millions de tonnes de maïs, 180 000 tonnes de sucre et 8,2 millions d'hectolitres de biocarburant. Voilà, alors que c'est la moitié de la production française. Donc on importe en plus des choses, voilà, des choses qu'on sait faire et que, dont on pourrait parler. Il faut dire qu'au niveau de l'Union européenne, on est autosuffisant. Le problème, c'est la façon de produire. Donc, on n'a pas besoin de faire rentrer ces produits-là qui vont venir en concurrence de nos produits à bas prix. Alors, nous, on est plutôt pour... il faut protéger notre marché. Il faut continuer à mettre des taxes douanières. pour protéger notre marché et produire aussi d'une autre façon ici en Europe, c'est-à-dire en respectant plus les normes sociales et environnementales. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et un autre chiffre, c'est 95% de taxes, donc de baisse des taxes à l'horizon dans 30 ans, je crois. C'est... Oui. Ah ben, de toute façon, on va vers zéro taxe. C'est-à-dire, eux, ils ouvrent leur marché, nous, on ouvre le nôtre. Mais comment on va pouvoir être concurrencé? Enfin, ce qu'on appelle en permanence, c'est la compétitivité. Hein. Compétitivité dans les entreprises, compétitivité au sein de l'Union européenne, entre les pays de l'Union européenne, mais aussi compétitivité. Et donc, ça veut dire bah, aller vers le moins-disant social, environnemental, etc. Quoi, et de normes environnementales, de normes sanitaires notamment. Oui, alors effectivement, sur les normes sanitaires, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Alors, je n'aurais plus, je cherche le rapport, c'est le rapport de Stéphane Ambeck, qui a montré que, d'abord, il y a deux choses quand même. Ça, c'est intéressant, parce que ça met un peu en péril nos points de vue. C'est que, d'après ce rapport, on y gagnerait 0,1% de croissance en Europe et 0,3% pour les pays du Mercosur. Donc, c'est pas terrible, en fait, a priori, comme... Non, non, mais il y a quand même des gagnants, c'est les multinationales, ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'aujourd'hui, les politiques laissent faire, donnent des mandats à la Commission européenne contre les peuples et contre, surtout, les paysans. Et ça, personne ne va être gagnant là-dessus, à part quelques multinationales, c'est tout. Et dans la plus totale opacité, en plus. En plus, dans la plus grande opacité. Ouais, oui, Ludovic. Et ce même Stéphane Ambeck, apparemment, si j'en crois un article de l'Humanité, conclut que les dommages environnementaux sont largement supérieurs aux gains économiques de cet accord. Avec notamment, il pointe du doigt le fait que ça va augmenter la déforestation, parce qu'effectivement, le soja, ça génère beaucoup de déforestation. Il parle de 5% par an pendant les 6 premières années d'application de l'accord. Donc effectivement, on est complètement perdant, y compris sur le plan environnemental. Il y a un mot à dire par rapport à ça. Puisqu'en plus, les forêts stockent le carbone. Donc effectivement, si on détruit la forêt... Donc, effectivement, quelques semaines avant la signature de cet accord, normalement, l'Union européenne devait taxer fortement les sojas, toutes les cultures issues des forêts qui ont été rasées, brûlées. Parce qu'on continue à raser des forêts... tropical au Brésil. Donc du temps quand Bolsonaro était au pouvoir, ils ont cramé des millions d'hectares. Et aujourd'hui, normalement, tous ces produits qui arrivent sous le sol européen, normalement, ils devaient être taxés. Il devait y avoir une taxe qui montait en puissance. Et aujourd'hui, cette taxe, elle a complètement été enlevée juste avant la signature de l'accord. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec Bolsonaro, la déforestation allait très très vite. Bon, ça, avec Lula, il y a eu un coup de frein, mais ça continue quand même. Ah ben tout à fait. Ouais. Oui, effectivement. Donc, mais au Brésil, ils ont quand même reconnu qu'il y avait quand même des problèmes. Ils ont arrêté immédiatement la production de viande sur la base de l'utilisation d'antibiotiques. Mais enfin, je pense que le ver est dans le fruit, de toute façon, dans cette situation d'échange avec les pays du Sud. Moi, je pense aussi qu'il y a aussi tout un secteur... ce que j'ai pu lire là en préparant l'émission, il y a aussi une agriculture paysanne dans les pays de l'Amérique du Sud qui risque aussi de subir la même chose qu'en France. En fait, il y a vraiment un problème là de conscience des politiques de ce qu'ils font de leur pays. Quoi. Enfin, moi, je suis toujours tout à surpris. Il y a un problème de défense des petits paysans ici et là-bas. Ouais. Hein, donc nous, on est aussi solidaires des petits et moyens paysans de là-bas. Et d'ailleurs, cette concurrence, oui, c'est les gros paysans qui vont aussi en bénéficier. Des très grosses exploitations de plusieurs dizaines de milliers d'hectares, comme on a ici chez nous, par exemple, en Ukraine ou en Russie. Mais nous, ce qu'on s'élève aussi, surtout, c'est aussi le droit des peuples et des pays à la souveraineté alimentaire. Et donc, ces accords vont complètement à l'encontre. C'est-à-dire qu'on pourrait, si ces accords sont mis en place, d'ici quelques années, abandonner des pans entiers de notre production, c'est-à-dire ne plus être autosuffisant en alimentation, notamment en viande, mais en volaille notamment, hein, parce qu'on apporte déjà massivement. Il faut savoir qu'en France, notamment, on consomme 50% de volaille qui vient de l'extérieur, quoi. Donc on a perdu une partie de notre souveraineté alimentaire, et donc ça va à l'encontre de la charte des Nations Unies qui dit que chaque pays a le droit à la souveraineté alimentaire. Mmh. Et donc, c'est reconnu. Et donc, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on devrait promouvoir. Et on voit bien aujourd'hui, avec la crise climatique, quand il arrive des problèmes, comment on arrive à se retourner sur nos territoires pour faire face à un manque d'alimentation diversifié. Et ça, c'est le problème. Effectivement, Didier. D'autant que, paradoxalement, le Brésil, c'est quand même une terre de lutte paysanne. Il y a eu le mouvement des sans terres, et aussi Via Campesina, dont la Confédération paysanne est membre, d'ailleurs. Ouais. Tout à fait, oui. Oui, alors effectivement, on revient sur des choses qui relèvent de la lutte, et puis on ne comprend pas bien la position. Enfin, il faut dire que la position des représentants, des représentations syndicales françaises est pas facile à comprendre parmi les gens qui écoutent la télévision. Il y a un manque de clarté entre la coordination rurale, la FNSEA, la CONF évidemment. Et à part que la CONF demande de manger un trader, j'ai trouvé ça extraordinaire, ça c'était bien vu. Aider les paysans à manger un trader, ça c'était remarquable. Début décembre, hein, parce que j'ai été à cette action au Grand Palais à Paris, ouais. Où il y avait une grand-messe de tout ce qui se fait de grandes sociétés qui exportent, qui importent, c'est-à-dire les groupes comme Cargill, etc. Ah, et oui. On y retrouvait le groupe Avril. Le groupe Avril qui est présidé par Monsieur Rousseau, qui est président de la FNSEA, donc une contradiction complète. Et ce qui nous a vraiment dégoûté, je vais dire, c'est que ce jour-là, ils pouvaient bouffer à 300 euros par tête de pipe. Le repas, ça coûtait plus de 100 000 euros. Voilà. Attends, et puis, ils avaient privatisé le Grand Palais pour cette occasion. Donc, c'était des gens en bonne compagnie, on va dire. Hein, ouais. Voilà. Et nous, on a été faire une grosse action pour dénoncer ça, donc pour sauver un paysan, bouffe un trader, pour dénoncer cette grand-messe. Et on a eu le droit à comme d'habitude, hein, je vais dire, quand la FNSEA manifeste et détruit des biens publics, il ne se passe rien. Oui. Mais nous, quand on bouge le petit doigt, on a eu le droit à une charge extrêmement violente de la police, des CRS, où 5 personnes ont été mises en garde à vue pendant 2 jours. Et d'ailleurs, il y a un procès le 4 février. Pour une paysanne et un paysan qui ont participé à cette action. Quoi. Et il y a eu des blessés, je crois, non ? Oui, oui, oui, oui, des blessés. Oui, oui. Ça compense à Darmanin, l'an dernier, quand il disait oui, bon, voilà, la colère des paysans, en parlant de la FNSEA, oui, bon, bah, d'accord, c'est légitime, ils envoient des hectolitres de lisier de porc sur des préfectures, ils incendient carrément des locaux d'écologistes. Bon, bah voilà, tout se passe bien. Si vous détruisez des biens publics, notamment quand vous êtes du côté de la FNSEA, il ne se passe rien. Ouais. Si vous en prenez à des grosses multinationales comme Cargill ou autre, puisqu'on a déjà fait des actions chez eux il y a quelques années pour dénoncer d'ailleurs tous ces accords, et notamment la mainmise sur l'alimentation de ces gros groupes, et ben là, vous avez les foudres de l'État qui se met en branle par rapport à ça et qui vous mène jusque devant les tribunaux, et qui, du coup, il y a une violence extrêmement importante de la police, quoi. Ça, oui. C'est scandaleux. Ça, je pense qu'on l'observe de plus en plus, cette séparation entre les bons et les... Tout à fait. Et les pas bons. C'est vraiment dramatique. Cette situation, on devrait peut-être en faire une émission un jour à la télévision, à la radio, je veux dire. Je suis sûr. À la radio. Radio Campus, Eric, désolé. Il faudrait presque parler d'agro-terrorisme, parce que pour faire écho à... Ah bah oui, à l'éco-terrorisme. Voilà, il faudrait... Oui, donc, terme, bref. Revenons à nos moutons. En fait, si j'ose dire, là, on parle effectivement de l'attitude des organisations syndicales. Pas facile à comprendre. Alors, tu peux nous faire un point là-dessus avec Morgane, peut-être, sur la contestation par les différents syndicats. Nous, ce qui nous surprend quand même, c'est que nous, on a toujours eu la même ligne, hein. Je veux dire, avec vous, avec ATTAC notamment, ouais. Sur tous les traités, hein, tu l'as cité tout à l'heure, Didier, par rapport au TAFTA, par rapport au CETA, ouais, ouais. Où on a été main dans la main pour dénoncer, pour expliquer au grand public ce que c'était ces accords de libre-échange qui se tramaient derrière le dos de la société civile, et quel intérêt on avait, nous, les Français ou autres, ou l'Europe, de s'engager là-dedans. Et on n'a jamais vu à nos côtés ni la FNSEA, ni la coordination rurale. Donc d'un seul coup, on les voit sortir les tracteurs, hein, parce que quand c'est comme ça, on sort les gros tracteurs. Ouais. Voilà, pour montrer la force. Et du coup, le retournement de situation, et d'un seul coup, ils sont contre ces traités. parce que quand ça leur va pas, voilà, ils sont contre. Parce qu'eux, ils ont toujours été pour, hein. Faut dire que la FNSEA est pour certains traités, parce que dans ce traité du Mercosur, notamment, vous n'avez pas entendu beaucoup les producteurs de lait. Moi, je suis un producteur de lait. Il faut savoir que l'Union européenne, mais notamment la France, elle exporte énormément de produits laitiers. Et en fait, il semblerait que les marchés du Mercosur seraient un très, très bon débouché pour la production laitière. Pour nos excédents de production laitière. Tu voulais dire pour Lactalis aussi. Pour Lactalis, voilà, pour les grands groupes, parce que c'est surtout eux qui vont en bénéficier, c'est pas les éleveurs laitiers. Alors que si on veut des prix rémunérateurs, il faut plutôt se recentrer sur nos marchés solvables que sont nos marchés ici locaux. Et donc, à contrario de la FNSEA et de la coordination rurale, alors c'est pas vivre en autarcie. C'est d'abord, et on le sait aujourd'hui, notamment avec le réchauffement climatique, consommer moins de carburant, etc., c'est relocaliser la production, produire d'une autre façon, pour relocaliser toutes les productions. Voilà, c'est pas du protectionnisme, mais ça va dans le sens, aujourd'hui, d'un mieux, disons, social, environnemental. Oui, alors effectivement, ce qui me semble fort important de ce que tu dis là, c'est que on a toujours été côte à côte dans cette lutte-là, sur les différents projets. Celui-ci a une particularité, c'est que il a soulevé donc de façon très forte tout le monde rural, mais aussi le monde politique. C'est-à-dire que tout le monde est contre cet accord. Ouais, on a un consensus, hein, ouais. Tous les partis. Alors, est-ce que c'est la crainte de se mettre à dos le monde agricole, de voir débouler les tracteurs, de se faire incendier les permanences, etc. Mais on voit aussi bien la gauche que jusqu'à la droite, et bon, l'extrême droite avec Bardella qui essaye de faire les choux gras sur le monde agricole, quoi. Enfin, comment ça se passe, hein, voilà. Comment l'expliquer? Parce qu'en général, quand les politiques, ils ont beaucoup de courage, hein, quand la FNSEA bouge le petit doigt, faut savoir que ça rejoint par rapport aux élections, on est dans un cadre particulier en agriculture, on va dire, c'est qu'il y a une cogestion avec toutes les politiques, que ce soit de gauche, de droite, une cogestion avec la FNSEA depuis tout le temps, quoi. Donc je pense que, vu aussi que sur ce cas particulier, le Mercosur, l'ensemble du monde paysan, on va dire, était en phase contre. Après, il faut aller gratter pour voir ce qu'il y a derrière. Était contre. Du coup, les politiques se sont rendus compte aussi qu'ils devaient plutôt être du côté des paysans en général. Après, bien sûr, c'est la peur aussi de la sortie des tracteurs, du blocage, etc. Puisque quand même, il y a eu des manifestations assez, assez dures en début d'année dernière. Et puis aussi, les chiffres sont là. Je vais dire, il y a un désarroi dans le monde paysan. Je vais dire, ce serait le coup de massue aujourd'hui qui ferait disparaître. Alors ça, je pense que c'est pas chiffré. Mais demain, si on se trouve en concurrence sur la viande, c'en est fini. Alors tout à l'heure, tu disais, revenons à nos moutons. On a l'exemple de l'élevage de moutons, où on a perdu quasi tous les producteurs en élevage de moutons, notamment avec les accords qu'on a eus avec la Nouvelle-Zélande, en compensation avec le Ramoharior, il y a plusieurs décennies, où on a laissé rentrer à bas coût de la viande de mouton, où on n'a pas protégé nos éleveurs, et c'était une des seules productions où on perdait les éleveurs et où on perdait la production. Il n'y a quasi plus de production aujourd'hui, on n'est même pas autosuffisant, 20% je crois de notre consommation en production ovine. Donc voilà, on a un exemple vraiment un code école, on va dire, qui nous fait dire que si demain on laisse rentrer tous ces produits, c'en est fini de l'agriculture. Oui, alors effectivement, c'est un mot d'ordre qui m'inquiète beaucoup. Et j'ai lu deux articles à te soumettre, enfin, je ne vais pas te les lire, mais les titres sont assez, assez significatifs. Tout le monde dit que l'agriculture est sacrifiée actuellement. Et ici, je retrouve un article d'Alternative économique de janvier 2024, dont le titre était « Ce jour proche où le monde nourrira la France ». Est-ce que c'est ça le constat? Ah bon, on pourrait en arriver là. Je veux dire, si demain, on voit bien dans à la manifestation de Lille, nous, et depuis plusieurs années, on voit bien notamment les petits maraîchers, etc., qui souffrent de conditions climatiques difficiles, des tempêtes, des inondations, des sécheresses, qui sont peu aidés qui sont peu accompagnées par des politiques publiques, il faut le dire aussi, où les politiques publiques, notamment à travers la PAC, vont surtout vers les gros céréaliers, les gros producteurs de betteraves sucrières, la pomme de terre, etc. Et peu vers les, eh ben, on peut voir disparaître des pans entiers de notre agriculture. Il y en a qui disent qu'on s'en fout, c'est pas grave, on va manger, on mangera de la viande qui vient du Brésil. Tant que ça arrive dans les ports de l'Union européenne, c'est pas un problème. Mais on sait que c'est quand même assez grave aujourd'hui. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre souveraineté alimentaire. C'est très important. Si justement on a été autosuffisant dans l'Union européenne, c'est parce qu'il y a eu des politiques publiques qui ont été mises en place, notamment à travers la politique agricole commune, après la guerre, pour devenir autosuffisant. Et ça a bien marché, puisqu'à un moment, on est devenu excédentaire dans ces produits. Et depuis ce temps-là, on cherche en permanence à faire des grands échanges, des grands marchés entre les pays, les pays tiers, hein, que sont les États-Unis, que sont les pays du Mercosur, enfin bref, au détriment de l'agriculture locale, quoi. Ouais. Et alors, curieusement, l'autre article, qui date de ce mois-ci, du même bonhomme, d'ailleurs, du même agronome Philippe Pointereau, dit « L'agriculture française est de plus en plus mobilisée à des fins de production d'énergie décarbonée. » Est-ce qu'on va continuer à produire de... On est en train de perdre le sens du métier. Ouais. C'est ce qu'on dit, le sens du... notre métier, notre vocation, nous, les paysans, c'est de produire de l'alimentation. Et de produire de l'alimentation saine pour la société et d'en vivre. Normalement, c'est ce qui nous est dévolu, nous, les paysans. Donc, de la production, certes, il y a une production sanitaire satisfaisante, on va dire, mais souvent avec quand même des problèmes de pesticides, on peut en parler aussi. Voilà, c'est ce qui est désolant aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement, c'est-à-dire que la question qui se pose là, c'est que on est en train de diminuer la production de on va dire vivrière, mais enfin, parce que c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais effectivement c'est le problème qui est posé aujourd'hui, c'est que la concentration, c'est ce que disait d'ailleurs mardi le copain de la conf, qui disait que on a besoin d'aide aux personnes et non pas aux hectares. Qui est celle de la PAC. La méthode de la PAC, c'est d'aider les plus grosses, en fait, finalement. 80% des aides de la PAC passent chez les plus riches. J'ai pas répondu entièrement à ta question tout à l'heure par rapport à l'énergie. Oui, c'est vrai que nous, on s'élève aujourd'hui contre la production, le dévoiement de notre ce qu'on fait initialement, c'est-à-dire la production d'alimentation, vers une production d'énergie. Donc de plus en plus, on en parle, c'est les méthaniseurs notamment, qui produisent de l'énergie. Alors c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas de l'énergie forcément décarbonée, parce que la plupart des méthaniseurs aujourd'hui, quand on met bout à bout tout ce qu'ils consomment comme énergie, notamment fossile, et ce qu'ils rendent en énergie, on va dire décarbonée, énergie végétale ou animale, la balance, elle n'est pas forcément positive. Donc, avec beaucoup d'argent public. Et d'abord, nous, on revendique qu'on est des producteurs d'alimentation avant d'être producteurs. Alors, pourquoi pas produire du photovoltaïque, notamment sur des bâtiments qui existent. Oui, bien sûr. Parce qu'on parle, par exemple, on peut en parler aussi d'agrivoltaïsme de plus en plus, où nos champs, on produirait très peu de production d'alimentation, mais on viendrait à la production d'énergie en mettant des panneaux solaires un petit peu partout. Donc ça, vraiment, c'est vraiment un dévoiement de notre métier. Pour parler des aides publiques, un chiffre, 10 milliards d'euros. La politique agricole commune, c'est une des premières politiques dans l'Union européenne. Et ça reste... La seule, oui. Et à peu près 40% du budget de l'Union européenne va à l'agriculture. C'est pas pour ça que les paysans ne disparaissent pas. Et ton chiffre que tu donnes, ça reste en fait, depuis des décennies, 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. C'est-à-dire on a eu des aides à l'hectare qui ont fait que les paysans eux-mêmes, en France et dans l'Union européenne, on s'est mis en concurrence pour aller toujours vers plus d'hectares, c'est-à-dire ce que nous on dénonçait il y a quelques années, au plus t'es gros, plus tu touches de subventions. Quoi. Et donc ça reste malheureusement la vérité. Et à chaque fois qu'on a voulu notamment nous introduire plus de subventions de manière plus équitable entre les productions, mais aussi entre les paysans, on a eu les foutes de la FNSEA qui ne veut rien changer du tout, qui veut continuer à donner beaucoup d'argent aux gros producteurs. Quoi. Oui, et de fait, avec la disparition des paysans, les exploitations agricoles se sont accrues. Et on est passé de 45-50 hectares à 60, maintenant 66, je crois. Hectares. Bah, de toute façon, oui, même ici dans la région, ou alors qu'on avait quand même des fermes, on va dire, à taille humaine, de moins de 40 hectares, en fait, on assiste à la disparition des paysans et à une concentration de la production à travers quelques agri-managers. Hein, c'est-à-dire, et ce que nous, on dénonce aussi, c'est une industrialisation de l'agriculture, parce qu'on ne fait pas forcément la même agriculture quand il y a de la main-d'œuvre sur une ferme que quand on cultive de manière intensive. Que ce soit la culture ou bien l'élevage, c'est plutôt conduit de manière industrielle. Quoi. Bien sûr, on a vu les fermes à 1000 vaches. Tout à fait. Ouais. C'est une blague par rapport à ce qui existe en Allemagne ou en Amérique latine. Et ouais, j'allais dire, même par rapport à l'opposition au Mercosur, on voit, en Europe, il y a quand même plusieurs États qui se dressent contre. Donc là, je vois l'Autriche, la Belgique, donc la France, nous, la Hongrie, l'Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, en fait. L'Italie aussi, oui. L'Italie, enfin, on voit même des pays d'Europe de l'Est, où on imagine qu'ils n'ont pas les mêmes normes, sont opposés au Mercosur. Donc, pour quelle raison, du coup? Ah bah parce que ces pays-là, notamment les pays d'Europe centrale et orientale, sont encore sur des modèles encore plus petits que nous. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont rejoint l'Union européenne et qui voient aussi très mal l'entrée de produits. Parce que déjà, au niveau, si on parle des subventions, eux, ils ont des miettes hein, quand même par rapport aux aides dans l'Union européenne. Encore, je pense que nous, les grosses exploitations survivraient par rapport à un traité du Mercosur. Mais toutes les petites exploitations, les petites fermes disparaîtraient parce qu'ils seraient complètement inondés de produits, parce que les produits arriveraient à bas coût et que aussi le niveau de vie là-bas est beaucoup moins élevé que chez nous. Et que si la viande elle arrive à bas prix, ils n'auront pas le choix. Enfin, les gens iront vers ces produits à bas prix plutôt que consommer local. Nous, on a encore de la chance ici d'avoir un certain pouvoir d'achat et on le voit bien aujourd'hui en circuit court. Ça marche quand même bien, même si c'est des produits un peu plus chers. Il y a quand même une prise de conscience de la société qui fait qu'ils achètent quand même des produits de meilleure qualité et qu'ils vont acheter plus de produits locaux. Alors, malheureusement, le choix est vite fait quand on n'a pas de revenus de prendre les produits qui arrivent le moins cher. Donc nous, par exemple, on est porteurs dans la société ici. Alors, je ne sais pas, à taxe, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Oh, ouais. C'est au même titre que la sécurité sociale. Ça nous parle aussi, ouais. On pourrait, les gens à faible revenu pourraient accéder à la bonne alimentation locale. Oui, effectivement, c'est une idée qui est récente, enfin, qui semble assez prometteuse, à condition d'avoir des gouvernements qui le mettent en place. qui mettent mais ça en place. Dans, il y a certaines régions, départements, oui, qui mettent de l'argent, et en fait, ça fonctionne très très bien. Alors, on pourrait peut-être passer une dernière partie. On peut simplement citer aussi les pays qui sont pour. Donc, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, côté européen, et côté sud-américain, surtout le Brésil. Quoi. C'est... Ouais. Oui, c'est le... Je crois qu'on n'a pas parlé, c'est aussi l'histoire dans ces accords, c'est le troc. Quoi. Vous acceptez de rentrer massivement des produits agricoles de nos pays en contrepartie, on va vous vendre des voitures, et notamment l'Allemagne qui pèse de tout son poids parce qu'elle ne sait plus quoi faire de ses voitures. Et donc nous, on s'est toujours élevé contre le fait qu'on va troquer de l'agriculture contre des services ou contre... voilà. Donc nous, on est pour l'exception agriculturelle. Oui, alors ça, c'est le principe que j'ai évoqué dans l'introduction. Là, c'est le principe des avantages comparatifs. Et le principe des avantages comparatifs qui veut qu'on se spécialise dans ce qu'on sait faire et pour pouvoir vendre à l'extérieur. Le problème, c'est que... Alors, ça vient de David Ricardo, un économiste du 17e siècle, qui voyait dans l'échange du Porto et du tissu, l'échange entre le Portugal et l'Angleterre, mais... Il y a quand même un problème, tu ne bouffes pas du tissu toute ta vie, parce que tu as vendu du Porto. Enfin, tu ne bois pas du Porto toute ta vie. Encore que... Ouais, ça nourrit pas l'homme. Hein. puis une forme d'hypocrisie sur les voitures, parce qu'on est censé, je crois que c'est en 2035 qu'on est censé abandonner les voitures thermiques. Ouais, oui. Donc on va refourguer des voitures thermiques au marché sud-américain, alors que nous-mêmes, on est censé les arrêter en 2035, c'est ça. Donc il y a une forme d'hypocrisie. Enfin, c'est... Dans le deal, il y a les ventes de voitures, effectivement, aussi... Les nouvelles formules de voitures, puisque ça dure jusqu'à une trentaine d'années, je crois. Donc, il n'y a pas que les voitures thermiques, effectivement. Il y a aussi, dans cette histoire, je ne sais pas si on peut en dire un mot, il y a quand même l'attitude de notre président de la République aussi. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on le connaît bien. Une fois de plus, je veux dire, on est déçus, parce que quand même, la France a présidé l'Union européenne à un certain moment, où elle pouvait mettre un halte là, à ces négociations. Elle n'a rien fait du tout. Via son commissaire, justement. Oui. Ils n'ont rien fait du tout. Macron a laissé le quitus à la Commission européenne pour discuter. Et il continue à dire qu'il ne le signerait pas tel qu'il est proposé aujourd'hui. Je ne signerai pas en l'état. En l'état, voilà. Ouais. Comme beaucoup le disent. Ouais. Ça veut dire que c'est quoi en l'état? Mais nous, on n'en veut pas du tout. C'est ça, c'est simple, c'est court. On ne veut pas de cet accord d'échange aujourd'hui. Donc, espérons que ce soit comme le TAFTA qui soit enterré, quoi. Oui, alors, justement, le TAFTA est un exemple aussi assez significatif. Le TAFTA a été appliqué à, je ne sais plus, à 90%. C'est le CETA. Alors qu'il n'a pas été ratifié, ouais. C'est assez extraordinaire. Et là, ici, apparemment, donc il y a cette attitude de Macron qui dit je ne voterai pas en l'état, mais tout en laissant le quitus, comme tu dis, à son agent, enfin son représentant dans la Commission européenne, de toute façon. Il est toujours là, je ne sais pas qui d'ailleurs. C'est ses journées. Bon, lui, il est toujours là, et donc la Commission a les mains libres. Sauf qu'elle peut faire encore une parade, la maire von der Leyen, en divisant en deux le projet. Comme ils l'ont fait pour le CETA. Là. Qui est un système un peu CETA, c'est-à-dire qu'elle divise en deux, ça veut dire que on sépare le commercial du dit politique. Évidemment, l'essentiel, c'est les accords commerciaux, quoi. Politique donc, avec les tribunaux d'exception. Sur beaucoup de choses, c'est des votes à l'unanimité, mais pas là-dessus. Oui. Hein, donc c'est à la majorité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à emmener quand même beaucoup de pays, suivant le poids des pays. Voilà. Donc tu citais tout à l'heure l'Europe de l'Est qui est massivement contre les petits pays, etc. Non. Parce que c'est sûr que leur agriculture serait complètement dévastée. Donc ça veut dire qu'il faudrait des gros poids lourds comme la France, et même si l'Allemagne il y a toujours ces accords entre l'Allemagne et la France qui fait que il y a grande chance qu'ils risquent d'être signés, mais alors après est-ce qu'ils seront ratifiés par le Parlement français? J'y crois pas du tout, vu que quand même tous les députés se sont prononcés à majorité contre, mais si, on peut l'imaginer que ce serait comme le CETA. Voilà, qui serait jamais, alors même qui a été rejeté par le Sénat, il n'est toujours pas passé au Parlement français. Mmh. Et donc, c'est inquiétant aujourd'hui. C'est comme le traité européen, quoi. Hein. Ça passe soit par la grande porte, ça passe par la petite porte, quoi. Mmh. Et donc, on fait avec. D'accord. Bah, écoute, on va te demander de conclure. Même si on a déjà bien conclu, je trouve, on a dit beaucoup de choses. Simplement la Confédération paysanne, c'est quand même le syndicat qui a toujours été engagé dans les luttes altermondialistes. Moi, je me souviens que dans les comités contre l'OMC, il y avait déjà la Confédération paysanne. Enfin, c'était elle qui les guidait. Et bon, ça remonte à quoi? Ça remonte aux paysans travailleurs. Parce que la Confédération a un peu plus de 30 ans. Et il faut se rappeler qu'en 99, quand il y a eu le démontage du McDo. Par Beauvais et les paysans de l'Aveyron, c'était contre de la rétorsion que l'OMC avait acceptée, puisqu'on refusait de laisser rentrer du veau aux hormones dans l'Union européenne, hein, en disant que nous, on n'utilisait pas d'hormones ici pour élever les veaux. Enfin, c'était devenu interdit dans l'Union européenne. Et aussi l'hormone laitière, qui est toujours autorisée aux États-Unis. Et il y avait eu un droit de rétorsion. Et donc, sur certains produits, notamment agricoles, et bingo, il y avait le Roquefort de l'Aveyron, ce qui a amené à faire connaître la lutte des paysans. Mais tu l'as rappelé tout à l'heure, Seattle et après Doha, on a réussi à faire capoter parce qu'on a fait connaître au grand public. C'est sorti justement des cercles des initiés. Et je vais dire, c'est la société civile. Ça, moi, dans la conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que toutes ces choses qui sont discutées derrière le dos des peuples, il faut faire connaître, il faut que la société civile s'en empare. Notamment faire connaître par la Confédération paysanne, l'attaque, etc. Ce qu'on appelle l'effet Dracula, justement. Voilà. Et quand il y a une mobilisation, on va dire, de la société civile, du coup, ça peut faire reculer les politiques par rapport à ça. Oui, et il ne faut pas que ça reste dans le cercle des initiés, je veux dire, il faut que ce soit connu par le grand public. Ouais. Écoute, on fait tout ce qu'on peut avec toi. Dans la main avec la Confédération paysanne. Je pense que par rapport aux mobilisations, il faut garder espoir. Contre ces traités. Ouais, je pense aussi qu'il faut garder espoir. On restera sur cette note-là. Merci, Antoine. Merci. La vida que vendrá, de pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con la patria vencerá, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la de norte a sur se movilizará, despensará ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la luz. Con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Et donc, c'était El Pueblo Unido par le groupe chilien Vertisca. Et donc, vous êtes bien sur Radio Campus, 106.6 MHz, campuslis.com et DAB+. Et c'est l'émission Angle d'attaque que vous écoutez. Et maintenant, on va passer aux actualités. Je vais commencer par le local, Christian fera le national. Donc on peut reparler du 17 janvier, donc de la restitution du mémoire de l'étudiant sur les mobilités et les usages des transports à Aubais. Ça a été une occasion justement de faire vraiment de l'éducation populaire avec, avec les habitants, avec les gens, et c'était très réussi. Les prochaines initiatives, donc le 29 janvier à la librairie Combo à Roubaix, donc boulevard Jean-Baptiste Bas, il y aura un débat public avec Éric Boquet autour de son livre La dette à perpète, avec vente du livre et signature. Et le 14 mars, il y aura un débat public à la FAL de Roubaix avec Hugo Boursier, donc journaliste politique, et Antonio Delfini, qui est sociologue. Le thème sera le logement et les démolitions à l'Alma et à l'Épeul à Roubaix, en lien avec les collectifs locaux. Et ce débat fera suite à l'AG annuel du comité Roubaix-Tourcoing. Enfin, sur le Mercosur, bon, puisqu'on en a beaucoup parlé, il est question, à une date qui n'est pas encore retenue, d'un débat public avec la Confédération paysanne et ATTAC, probablement à Los Angeles. Donc, pour le national, Christian. Oui, pour le national, donc, la campagne BNP Paribas, complice de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid et du génocide en Palestine. Le 13 janvier, une note d'attaque du BTS à la FPS, du BTS et de la FPS a été publiée, mettant à nouveau en lumière le rôle néfaste de cette banque dans la colonisation illégale de la Palestine. Campagne Mercosur, donc on ne peut que vous conseiller d'écouter ce que dit ATTAC, ce que dit la LDH, ce que dit Greenpeace et toutes les associations, ONG, syndicalistes, signataires du manifeste contre le Mercosur, bien sûr. Vous devez avoir ça dans vos mails. Combat pour la justice fiscale, un dossier complet dans le dernier numéro de Ligne d'attaque sur la justice fiscale. Urgence et nécessité. On sait aussi combien les injustices sont fort importantes en France. Et l'Observatoire de la justice fiscale est quand même très précieux. Vous pouvez trouver ça. Sur le site d'ATTAC, Tax the Rich, ben on est toujours sur l'inégalité. Encore une campagne qui continue avec le G20 de novembre, qui avait mis le sujet d'une taxation des grosses fortunes sur la table. Les États-Unis, évidemment, ont mis le holà, hein, tout effort en ce sens, malgré la volonté de la République sud-africaine, de l'Espagne et du Brésil. Ce sera peut-être pour le prochain G20, on ne sait pas. Désarmer Bolloré, la campagne se poursuit avec la publication d'une tribune de libraires inquiets du rachat de Hachette par Bolloré, qui est un mauvais signe pour l'édition, pour la presse et pour le livre et pour les lecteurs, d'une façon générale, en fait, pour les citoyens. C'est un mauvais signe pour la France, tout simplement. Assemblée générale et orientation 2025-2028, il s'agit d'attaque qui va son assemblée générale triennale, c'est-à-dire une assemblée élective qui aura lieu au bord de l'été là, et qui est déjà entamé par un grand questionnaire qui était posé à tous les militants d'attaque et maintenant trouvera sa validation dans les assises de Nantes. Voilà, on voulait ouvrir une petite brève sur les lectures que vous avez eues ou sur les écoutes que vous avez eues. Est-ce que vous avez quelque chose en magasin, les copains ? Je sais pas. Là, récemment, qu'est-ce que j'ai lu Bon, je te laisse réfléchir. Ouais, pendant est-ce que vous savez, par exemple, ça, je l'ai lu dans Acrimed, donc Médiacrité, le journal d'Acrimed. Est-ce que vous avez vu que l'armée israélienne a investi les locaux d'Al Jazeera dans la bande de Gaza, comment s'appelle ça ? Cisjordanie. Dans la Cisjordanie, merci Didier. Dans Cisjordanie, détruit les locaux, piquer les ordinateurs, voilà. Évidemment, vous avez entendu tout ça dans la chaîne mainstream à France 2, etc. Rien, pas un mot de la solidarité entre journalistes. Alors, c'est quand même une chaîne internationale, Al Jazeera, je suis désolé. Oui, Ludovic, alors, tu t'es retrouvé. En livre que j'aurais pu lire, moi j'ai beaucoup aimé le Jean-Baptiste Ressos, là, Sans transition, que je vous recommande. D'accord. Un livre. Didier, une émission peut-être ou Histoire d'énergie. Un article j'ai pas présent à l'esprit quelque chose, mais j'ai pas. Dans Politis, il y avait un reportage sur une entreprise qui a été rachetée en coopérative. Enfin, c'est un peu le modèle de ce qui s'était passé à Marseille. Bon, il y a quand même de plus en plus de mobilisation ouvrière qui font que même si les actionnaires et les propriétaires lâchent l'entreprise, il y a les salariés de ces entreprises qui innovent et qui proposent une nouvelle production sous forme de coopérative. Oui, ça effectivement, c'était un article qui est pas mal dans Politis. C'est le Politis de quand ? De cette semaine. De cette semaine, hein, oui, sans que j'avais de lecture en retard, mais pas celui-là. Bien, et puis de toute façon, n'oublions pas qu'il y a tout un courant de presse pas pareil, comme dit Didier. Et puis, écoutez Blast, écoutez Le Média, écoutez bien d'autres émissions de radio. Oui. Là, je pense de télévision. Hier, je pense à Offre Investigation. Alors, l'interview que j'ai vue date de quand même d'il y a quelques semaines, de fin 2024, mais c'est ils avaient reçu un démographe en fait pour parler de l'immigration et tendre le coup un petit peu idées nauséabondes là de grands remplacements et tout qu'on essaye de nous ramener un peu au forcing en fait, notamment. Le fait de rappeler que, par exemple, la France, au niveau immigration, accueille moins que l'Allemagne, que l'Italie, qui est quand même un gouvernement néo-fasciste, d'obédience néo-fasciste, d'extrême droite. Même l'idée de dire il faut d'abord donner du travail aux Français, oui, mais en fait, ça ne marche pas. Y compris dans le bâtiment, dans les services à la personne, dans la restauration, en fait, on n'a pas assez de monde, en fait, donc on est obligé de faire appel à la main-d'œuvre étrangère, en fait, de toute façon. Sans parler du vieillissement de la population. Oui, tout à fait. On va passer la parole à Florent. L'agenda militant. Donc ouais. Ce soir à 19h, débat dans le cadre du week-end de rencontre cordistes en colère, cordistes solidaires avec le collectif Yévin 1974. Donc entre septembre et décembre 2024, le collectif Yévin 1974 organise des différents événements propres à revisiter la catastrophe du 27 décembre 1974. Ouais. Et donc, non désireux de verser les larmes de crocodile rituel des officiels de la commémoration, il propose de prendre un temps en différents lieux du bassin minier pour un hommage aux mineurs, pour nous remémorer la commission d'enquête qui précéda le tribunal populaire de Lens en mars 1975, et pour nous interroger, est-il acceptable que 50 ans après Yévin 1974, le capitalisme continue à tuer au travail des travailleuses et travailleurs. C'est donc ce soir 19h à l'Anamorphose, 48 rue du Lompeau à Lille. Et mardi à Béthune, le collectif antifasciste du bassin minier invite Félicien Faury et Pierre Voidelot autour de leur ouvrage « Des électeurs ordinaires ». Donc c'est une enquête sur la normalisation de l'extrême droite aux éditions du Seuil. Et donc ça sera le 21 janvier au passage à niveau, 30 rue Henri Barbus à Béthune. Le 17 janvier 1975, hier, c'était les 50 ans où la loi l'IVG a été promulguée. Ah oui. Et donc, pour ces 50 ans, mais aussi pour la lutte des femmes sans lesquelles rien n'aurait bougé, sera projeté l'excellent film Annie Colère, suivi d'un échange avec Lucie Ruault. Donc, cette projection-discussion aura lieu au café Le Polder, 250 rue Roger Salengro, ALM. Le mercredi, donc mercredi 22 janvier à 19h. Et ensuite, une rencontre avec Aline Nipper et Michael Correa autour de leurs livres respectifs Hydrogène Mania et Le mensonge total, publié aux Passagers clandestins et aux éditions du Seuil. Donc deux enquêtes édifiantes sur la croissance verte, le lobbying de Total et le greenwashing. La rencontre aura lieu à la librairie Le Bateau Livre, 151 rue Léon Gambetta à Lille, le vendredi 24 janvier 2025 à 19h. Je vais m'arrêter là. Merci Florent. Voilà, notre émission est terminée. Nous vous souhaitons un heureux week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Ah, dans quelques semaines, dans 4 semaines en fait, on se retrouve en février. À bientôt. Au revoir.